Mike, t'es pas un. Allez, je pars un. Me dis si je suis bon. Attention. Bon, le beat est pas super approfondi, hein, j'avoue. Mais... Ah ouais, parce qu'il faudrait le. Je sais pas s'il est bien calé. Tu vas voir. Il est calé, mais. 3, 4, 5, 4. C'est compliqué. Attends. C'est compliqué pour partir en. Non, peut-être il faut que je me calme mieux. C'est pour ça que Mike il arrive, je pense. Ouais. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là, et. Regarde. C'est les kicks. Les kicks sont sur les temps. Attends, je t'en cale un. J'essaie de t'en caler un. Attends, j'essaie de marquer là un tout seul. Est-ce que je suis bien sur le 1, moi, je suis bien calé. Non, mais je suis pas calé. Si on tient ça, c'est bon. Titi, il a tout compris. C'est bon, je suis calé. Tente le coup avec ça. Vas-y, Mike. Par un, pour par un. J'avais oublié une note en fait. D'accord, il y a une note. Ok, j'ai compris. Just sleeping on TV. You squat my head, don't you want to squat my bed? Please do it, baby, all night long, go ahead. Yeah.